connards qui nous font chier, les politiques, les policiers, tous ces guignols ont dimanché. En l'an 2000, on peut brûler toutes les princesses sur un bûcher, la presse people qui fait gerber toutes les radios, toutes les télés. Chose en enfer, Le Pen à droite de Lucifer, Villiers terminera dans les chiottes avec Monseigneur la calotte. On fera sauter les ministères, on abolira les frontières, Monsieur Jack Lang à Medrano et Balladur dans un zoo. Dans les prisons, on violera plus les jeunes colons, les matons ne seront plus des chiens, on bouffera même à notre faim. En l'an 2000, j'irai baiser les policiers qui m'ont cogné, c'est moi l'ancien desperado, un peu loubard, un peu gaucho. Et même à la télé, avec Johnny et Sabatier, Jean-Pierre Focu me parle à de fesse, je serai l'idole d'un tas de donzesses. Je m'abonnerai au Figaro, je transformerai ma libido, j'applaudirai Papa Kouchner de sac de riz pour la misère. On sera cocu avec Jospin et Robéru, à moins de se faire chiraculer par un passe-coin de Villiers. En l'an 2000, rayon ringard, y'aura un vieux 68 A de Cohn-Bendit en chemise à fleurs et la boinée qui passera le beurre. Y'aura de la beuh dans le pinard et de la ganja dans ton ricard. Le pape fumera un gros tarpé en nous chantant miséréré. Dansera sur un volcan, une bonne bourrée de Clermont-Ferrand, au Crazy Horse sur un Madelin, qui nous gueulera, je sens que ça vient. En 2000, on peut flinguer tous les connards qui nous font chier, les politiques, les policiers, tous ces guignols en dimanche. En l'an 2000, on peut brûler toutes les princesses sur un bûcher, la presse people qui fait gerber toutes les radios, toutes les télés.